Livre 14e, Les grandeurs du désespoir. Chapitre 1, Le drapeau, premier acte. Rien ne venait encore. 10 heures avaient sonné à Saint-Méry. Enjolras et Combeferre étaient allés s'asseoir, la carabine à la main, près de la coupure de la grande barricade. Ils ne se parlaient pas. Ils écoutaient, cherchant à saisir même le bruit de marche le plus sourd et le plus lointain. Subitement, au milieu de ce calme lugubre, une voix claire, jeune, gaie, qui semblait venir de la rue Saint-Denis, s'éleva et se mit à chanter distinctement, sur le vieil air populaire au clair de la lune, cette poésie terminée par une sorte de cri pareil au chant du coq. « Mon nez est en larmes, mon ami Bugeaud, prête-moi tes gendarmes pour leur dire un mot. En capote bleue, la poule au shako, voici la banlieue, cocorico. » Ils se serrèrent la main. « C'est Gavroche, » dit Enjolras. « Il nous avertit, » dit Combeferre. Une course précipitée troubla la rue déserte. On vit un être plus agile qu'un clown grimper par-dessus l'omnibus. Et Gavroche bondit dans la barricade, tout essoufflé, en disant « Mon fusil, les voici !» Un frisson électrique parcourut toute la barricade, et l'on entendit le mouvement des mains cherchant les fusils. « Veux-tu ma carabine ?» dit Enjolras au gamin. « Je veux le grand fusil !» répondit Gavroche. Et il prit le fusil de Javert. 2 sentinelles s'étaient repliées et étaient rentrées presque en même temps que Gavroche. C'était la sentinelle du bout de la rue et la vedette de la petite truanderie. La vedette de la ruelle des prêcheurs était restée à son poste, ce qui indiquait que rien ne venait du côté des ponts et des halles. La rue de la Chanvrerie, dont quelques pavés à peine étaient visibles au reflet de la lumière qui se projetait sur le drapeau, offrait aux insurgés l'aspect d'un grand porche noir, vaguement ouvert dans une fumée. Chacun avait pris son poste de combat. 43 insurgés, parmi lesquels Enjolras, Combeferre, Courfeyrac, Bossuet, Joly, Bahorel et Gavroche, étaient agenouillés dans la grande barricade, les têtes à fleurs de la crête du barrage, les canons des fusils et des carabines braqués sur les pavés comme à des meurtrières, attentifs, muets, prêts à faire feu. 6, commandés par Feuilly, s'étaient installés, le fusil en joue, aux fenêtres des 2 étages de Corinthe. Quelques instants s'écoulèrent encore. Puis un bruit de pas, mesuré, pesant, nombreux, se fit entendre distinctement du côté de Saint-Leu. Ce bruit, d'abord faible, puis précis, puis lourd et sonore, s'approchait lentement, sans halte, sans interruption, avec une continuité tranquille et terrible. On n'entendait rien que cela. C'était tout ensemble le silence et le bruit de la statue du commandeur. Mais ce pas de pierre avait on ne sait quoi d'énorme et de multiple qui éveillait l'idée d'une foule en même temps que l'idée d'un spectre. On croyait entendre marcher l'effrayante statue Légion. Ce pas approcha. Il approcha encore et s'arrêta. Il sembla qu'on entendît au bout de la rue le souffle de beaucoup d'hommes. On ne voyait rien pourtant. Seulement on distinguait tout au fond, dans cette épaisse obscurité, une multitude de fils métalliques, fins comme des aiguilles et presque imperceptibles, qui s'agitaient, pareils à ces indescriptibles réseaux phosphoriques qu'au moment de s'endormir on aperçoit sous ses paupières fermées dans les premiers brouillards du sommeil. C'étaient les baïonnettes et les canons de fusil, confusément éclairés par la réverbération lointaine de la torche. Il y eut encore une pause, comme si des 2 côtés on attendait. Tout à coup, du fond de cette ombre, une voix, d'autant plus sinistre qu'on ne voyait personne et qu'il semblait que c'était l'obscurité elle-même qui parlait, cria « Qui vive ?» En même temps, on entendit le cliquetis des fusils qui s'abattent. Enjolras répondit d'un accent vibrant et altier « Révolution française !»« Feu !» dit la voix. Un éclair empourpra toutes les façades de la rue comme si la porte d'une fournaise s'ouvrait et se fermait brusquement. Une effroyable détonation éclata sur la barricade. Le drapeau rouge tomba. La décharge avait été si violente et si dense qu'elle en avait coupé la rampe, c'est-à-dire la pointe même du timon de l'omnibus. Des balles qui avaient ricoché sur les corniches des maisons pénétrèrent dans la barricade et blessèrent plusieurs hommes. L'impression de cette première décharge fut glaçante. L'attaque était rude et de nature à faire songer les plus hardis. Il était évident qu'on avait au moins affaire à un régiment tout entier. « Camarades !» cria Courfeyrac. « Ne perdons pas la poudre. Attendons pour riposter qu'ils soient engagés dans la rue. » « Et avant tout, dit Enjolras, relevons le drapeau. » Il ramassa le drapeau qui était précisément tombé à ses pieds. On entendait au dehors le knock des baguettes dans les fusils. La troupe rechargeait les armes. Enjolras reprit. « Qui est-ce qui a du cœur ici? Qui est-ce qui replante le drapeau sur la barricade ?» Pas un ne répondit. Monter sur la barricade au moment où sans doute elle était couchée en joue de nouveau, c'était simplement la mort. Le plus brave hésite à se condamner. Enjolras lui-même avait un frémissement. Il répéta. « Personne ne se présente ?» Chapitre 2. Le chapeau, deuxième acte. Depuis qu'on était arrivé à Corinthe et qu'on avait commencé à construire la barricade, on n'avait plus guère fait attention au père Mabeuf. Monsieur Mabeuf, pourtant, n'avait pas quitté l'attroupement. Il était entré dans le rez-de-chaussée du cabaret et s'était assis derrière le comptoir. Là, il s'était, pour ainsi dire, anéanti en lui-même. Il semblait ne plus regarder et ne plus penser. Courfeyrac et d'autres l'avaient deux ou trois fois accosté, l'avertissant du péril, l'engageant à se retirer, sans qu'il parût les entendre. Quand on ne lui parlait pas, sa bouche remuait comme s'il répondait à quelqu'un, et dès qu'on lui adressait la parole, ses lèvres devenaient immobiles et ses yeux n'avaient plus l'air vivants. Quelques heures avant que la barricade fût attaquée, il avait pris une posture qu'il n'avait plus quittée, les deux poings sur ses deux genoux et la tête penchée en avant, comme s'il regardait dans un précipice. Rien n'avait pu le tirer de cette attitude. Il ne paraissait pas que son esprit fût dans la barricade. Quand chacun était allé prendre sa place de combat, il n'était plus resté dans la salle basse que Javert, lié au poteau. Un insurgé, le sabre nu, veillant sur Javert, et lui, Mabeuf. Au moment de l'attaque, à la détonation, la secousse physique l'avait atteint, et comme éveillé, il s'était levé brusquement. Il avait traversé la salle, et à l'instant où Enjolras répéta son appel « Personne ne se présente ?» on vit le vieillard apparaître sur le seuil du cabaret. Sa présence fit une sorte de commotion dans les groupes. Un cri s'éleva. « C'est le votant, c'est le conventionnel, c'est le représentant du peuple !» Il est probable qu'il n'entendait pas. Il marcha droit à Enjolras. Les insurgés s'écartaient devant lui avec une crainte religieuse. Il arracha le drapeau à Enjolras, qui reculait pétrifié, et, alors, sans que personne osât ni l'arrêter ni l'aider, ce vieillard de 80 ans, la tête branlante, le pied ferme, se mit à gravir lentement l'escalier de pavé pratiqué dans la barricade. Cela était si sombre et si grand que tous autour de lui crièrent « Chapeau bas !» À chaque marche qu'il montait, c'était effrayant. Ses cheveux blancs, sa face décrépite, son grand front chauve et ridé, ses yeux caves, sa bouche étonnée et ouverte, son vieux bras levant la bannière rouge, surgissaient de l'ombre et grandissaient dans la clarté sanglante de la torche. Et l'on croyait voir le spectre de 93 sortir de terre, le drapeau de la terreur à la main. Quand il fut au haut de la dernière marche, quand ce fantôme tremblant et terrible, debout sur ce monceau de décombre, en présence de 1200 fusils invisibles, se dressa, en face de la mort, et comme s'il était plus fort qu'elle, toute la barricade eut dans les ténèbres une figure surnaturelle et colossale. Il y eut un de ces silences qui ne se font qu'autour des prodiges. Au milieu de ce silence, le vieillard agita le drapeau rouge et cria « Vive la Révolution ! Vive la République ! Fraternité, égalité et la mort !» On entendit de la barricade un chuchotement bas et rapide, pareil au murmure d'un prêtre pressé qui dépêche une prière. C'était probablement le commissaire de police qui faisait les sommations légales à l'autre bout de la rue. Puis la même voix éclatante qui avait crié « Qui vive ?» cria « Retirez-vous !» Monsieur Mabeuf, blême, hagard, les prunelles illuminées des lugubres flammes de l'égarement, leva le drapeau au-dessus de son front et répéta « Vive la République !»« Feu !» dit la voix. Une seconde décharge, pareille à une mitraille, s'abattit sur la barricade. Le vieillard fléchit sur ses genoux, puis se redressa, laissa échapper le drapeau et tomba en arrière à la renverse sur le pavé, comme une planche, tout de son long et les bras en croix. Des ruisseaux de sang coulèrent de dessous lui. Sa vieille tête, pâle et triste, semblait regarder le ciel. Une de ces émotions supérieures à l'homme qui font qu'on oublie même de se défendre saisit les insurgés, et ils s'approchèrent du cadavre avec une épouvante respectueuse. « Quels hommes que ces régicides !» dit Enjolras. Courfeyrac se pencha à l'oreille d'Enjolras. « Ceci n'est que pour toi, et je ne veux pas diminuer l'enthousiasme, mais ce n'était rien moins qu'un régicide. Je l'ai connu. Il s'appelait le père Mabeuf. Je ne sais pas ce qu'il avait aujourd'hui, mais c'était une brave ganache. Regarde-moi sa tête !»« Tête de ganache et cœur de Brutus, » répondit Enjolras. Puis il éleva la voix. « Citoyens, ceci est l'exemple que les vieux donnent aux jeunes. Nous hésitions, il est venu. Nous reculions, il a avancé. Voilà ce que ceux qui tremblent de vieillesse enseignent à ceux qui tremblent de peur. Cet aïeul est auguste devant la patrie. Il a eu une longue vie et une magnifique mort. Maintenant, abritons le cadavre, que chacun de nous défende ce vieillard mort comme il défendrait son père vivant, et que sa présence au milieu de nous fasse la barricade imprenable. » Un murmure d'adhésion morne et énergique suivit ces paroles. Enjolras se courba, souleva la tête du vieillard et, farouche, le baisa au front. Puis, lui écartant les bras et maniant ce mort avec une précaution tendre, comme s'il eût craint de lui faire du mal, il lui ôta son habit, en montra à tous les trous sanglants et dit « Voilà maintenant notre drapeau !» Chapitre 3. Gavroche aurait mieux fait d'accepter la carabine d'Enjolras. On jeta sur le père Mabeuf un long châle noir de la veuve Hucheloup. 6 hommes firent de leur fusil une civière, on y posa le cadavre et on le porta, tête nue, avec une lenteur solennelle, sur la grande table de la salle basse. Ces hommes, tout entiers à la chose grave et sacrée qu'ils faisaient, ne songeaient plus à la situation périlleuse où ils étaient. Quand le cadavre passa près de Javert, toujours impassible, Enjolras dit à l'espion « Toi, tout à l'heure !» Pendant ce temps-là, le petit Gavroche, qui seul n'avait pas quitté son poste et était resté en observation, croyait voir les hommes s'approcher à pas de loup de la barricade. Tout à coup, il cria « Méfiez-vous !» Courfeyrac, Enjolras, Jean Prouvaire, Combeferre, Joly, Bahorel, Bossuet, tous sortirent en tumulte du cabaret. Il n'était déjà presque plus temps. On apercevait une étincelante épaisseur de baïonnettes ondulant au-dessus de la barricade. Des gardes municipaux de haute taille pénétraient, les uns en enjambant l'omnibus, les autres par la coupure, poussant devant eux le gamin qui reculait mais ne fuyait pas. L'instant était critique. C'était cette première redoutable minute de l'inondation, quand le fleuve se soulève au niveau de la levée et que l'eau commence à s'infiltrer par les fissures de la digue. Une seconde encore, et la barricade était prise. Bahorel s'élança sur le premier garde municipal qui entrait et le tua à bout portant d'un coup de carabine. Le second tua Bahorel d'un coup de baïonnette. Un autre avait déjà terrassé Courfeyrac qui criait « À moi !» Le plus grand de tous, une espèce de colosse, marchait sur Gavroche, la baïonnette en avant. Le gamin prit dans ses petits bras l'énorme fusil de Javert, coucha résolument en joue le géant et lâcha son coup. Rien ne partit. Javert n'avait pas chargé son fusil. Le garde municipal éclata de rire et leva la baïonnette sur l'enfant. Avant que la baïonnette eût touché Gavroche, le fusil échappait des mains du soldat. Une balle avait frappé le garde municipal au milieu du front et il tombait sur le dos. Une seconde balle frappait en pleine poitrine l'autre garde qui avait assailli Courfeyrac et le jetait sur le pavé. C'était Marius qui venait d'entrer dans la barricade. Chapitre 4. Le baril de poudre. Marius, toujours caché dans le coude de la rue Mondétour, avait assisté à la première phase du combat, irrésolu et frissonnant. Cependant, il n'avait pu résister longtemps à ce vertige mystérieux et souverain qu'on pourrait nommer l'appel de l'abîme. Devant l'imminence du péril, devant la mort de M. Mabeuf, cette funèbre énigme, devant Bahorel tué, Courfeyrac criant « À moi !» Cet enfant menacé, ses amis à secourir ou à venger, toute hésitation s'était évanouie et il s'était rué dans la mêlée, ses deux pistolets à la main. Du premier coup, il avait sauvé Gavroche et du second, délivré Courfeyrac. Au coup de feu, au cri des gardes frappés, les assaillants avaient gravi le retranchement, sur le sommet duquel on voyait maintenant se dresser plus d'un demi-corps et en foule des gardes municipaux, des soldats de la ligne, des gardes nationaux de la banlieue, le fusil au poing. Ils couvraient déjà plus des deux tiers du barrage, mais ils ne sautaient pas dans l'enceinte, comme s'ils balançaient, craignant quelque piège. Ils regardaient dans la barricade obscure comme on regarderait dans une tanière de lion. La lueur de la torche n'éclairait que les baïonnettes, les bonnets à poils et le haut des visages inquiets et irrités. Marius n'avait plus d'armes. Il avait jeté ses pistolets déchargés, mais il avait aperçu le baril de poudre dans la salle basse près de la porte. Comme il se tournait à demi, regardant de ce côté, un soldat le coucha en joue. Au moment où le soldat ajustait Marius, une main se posa sur le bout du canon du fusil et le boucha. C'était quelqu'un qui s'était élancé. Le jeune ouvrier au pantalon de velours. Le coup partit, traversa la main, et peut-être aussi l'ouvrier, car il tomba. Mais la balle n'atteignit pas Marius. Tout cela dans la fumée, plutôt entrevu que vu. Marius, qui entrait dans la salle basse, s'en aperçut à peine. Cependant, il avait confusément vu ce canon de fusil dirigé sur lui, et cette main qu'il avait bouchée, et il avait entendu le coup. Mais dans des minutes comme celle-là, les choses qu'on voit vacillent et se précipitent, et l'on ne s'arrête à rien. On se sent obscurément poussé vers plus d'ombre encore, et tout est nuage. Les insurgés, surpris mais non effrayés, s'étaient ralliés. Enjolras avait crié « Attendez, ne tirez pas au hasard !» Dans la première confusion, en effet, ils pouvaient se blesser les uns les autres. La plupart étaient montés à la fenêtre du premier étage et aux mansardes, d'où ils dominaient les assaillants. Les plus déterminés, avec Enjolras, Courfeyrac, Jean Prouvaire et Combeferre, s'étaient fièrement adossés aux maisons du fond, à découvert, et faisant face aux rangées de soldats et de gardes qui couronnaient la barricade. Tout cela s'accomplit sans précipitation, avec cette gravité étrange et menaçante qui précède les mêlées. Des deux parts, on se couchait en joue, à bout portant. On était si près qu'on pouvait se parler à portée de voix. Quand on fut à ce point où l'étincelle va jaillir, un officier en hausse col et à grosses épaulettes étendit son épée et dit « Bas les armes !»« Feu !» dit Enjolras. Les deux détonations partirent en même temps et tout disparut dans la fumée. Fumée âcre et étouffante, où se traînaient, avec des gémissements faibles et sourds, des mourants et des blessés. Quand la fumée se dissipa, on vit des deux côtés les combattants, éclaircis, mais toujours aux mêmes places, qui rechargeaient les armes en silence. Tout à coup, on entendit une voix tonnante qui criait « Allez-vous-en, ou je fais sauter la barricade !» Tous se retournèrent du côté d'où venait la voix. Marius était entré dans la salle basse et avait pris le baril de poudre, puis il avait profité de la fumée et de l'espèce de brouillard obscur qui emplissait l'enceinte retranchée pour se glisser le long de la barricade jusqu'à cette cage de pavés où était fixée la torche. En arracher la torche, y mettre le baril de poudre, pousser la pile de pavés sous le baril qui s'était sur le champ défoncé avec une sorte d'obéissance terrible, tout cela avait été pour Marius le temps de se baisser et de se relever. Et maintenant, tous, gardes nationaux, gardes municipaux, officiers, soldats, pelotonnés à l'autre extrémité de la barricade, le regardaient avec stupeur, le pied sur les pavés, la torche à la main, son fier visage éclairé par une résolution fatale, penchant la flamme de la torche vers ce monceau redoutable où l'on distinguait le baril de poudre brisé, et poussant ce cri terrifiant « Allez-vous-en, ou je fais sauter la barricade !» Marius, sur cette barricade après l'octogénaire, c'était la vision de la jeune révolution après l'apparition de la vieille. « Sautez la barricade !» dit un sergent. « Et toi aussi !» Marius répondit « Et moi aussi !» Et il approcha la torche du baril de poudre. Mais il n'y avait déjà plus personne sur le barrage. Les assaillants, laissant leurs morts et leurs blessés, refluaient pêle-mêle et en désordre vers l'extrémité de la rue et s'y perdaient de nouveau dans la nuit. Ce fut un sauve-qui-peut. La barricade était dégagée. Chapitre 5. Fin des vers de Jean Prouvaire. Tous entourèrent Marius. Courfeyrac lui sauta au cou. « Te voilà ! Quel bonheur ! » dit Combeferre. « Tu es venu à propos ! » fit Bossuet. « Sans toi, j'étais mort ! » reprit Courfeyrac. « Sans vous, j'étais gobé ! » ajouta Gavroche. Marius demanda « Où est le chef ?»« C'est toi ! » dit Enjolras. Marius avait eu toute la journée une fournaise dans le cerveau. Maintenant, c'était un tourbillon. Ce tourbillon qui était en lui lui faisait l'effet d'être hors de lui et de l'emporter. Il lui semblait qu'il était déjà à une distance immense de la vie. Ces deux lumineux mois de joie et d'amour, aboutissant brusquement à cet effroyable précipice, Cosette perdue pour lui, cette barricade, M. Mabeuf se faisant tuer pour la République, lui-même chef d'insurgés, toutes ces choses lui paraissaient un cauchemar monstrueux. Il était obligé de faire un effort d'esprit pour se rappeler que tout ce qui l'entourait était réel. Marius avait trop peu vécu encore pour savoir que rien n'est plus imminent que l'impossible et que ce qu'il faut toujours prévoir, c'est l'imprévu. Il assistait à son propre drame comme à une pièce qu'on ne comprend pas. Dans cette brume où était sa pensée, il ne reconnut pas Javert, qui, lié à son poteau, n'avait pas fait un mouvement de la tête pendant l'attaque de la barricade, et qui regardait s'agiter autour de lui la révolte avec la résignation d'un martyr et la majesté d'un juge. Marius ne l'aperçut même pas. Cependant, les assaillants ne bougeaient plus. On les entendait marcher et fourmiller au bout de la rue, mais ils ne s'y aventuraient pas, soit qu'ils attendissent des ordres, soit qu'avant de se ruer de nouveau sur cette imprenable redoute, ils attendissent des renforts. Les insurgés avaient posé des sentinelles, et quelques-uns qui étaient étudiants en médecine s'étaient mis à panser les blessés. On avait jeté les tables hors du cabaret, à l'exception de deux tables réservées à la charpie et aux cartouches, et de la table où gisait le père Mabeuf. On les avait ajoutés à la barricade et on les avait remplacés dans la salle basse par les matelas des lits de la veuve Hucheloup et des servantes. Sur ces matelas, on avait étendu les blessés. Quant aux trois pauvres créatures qui habitaient Corinthe, on ne savait ce qu'elles étaient devenues. On finit pourtant par les retrouver, cachées dans la cave. Une émotion poignante vint assombrir la joie de la barricade dégagée. On fit l'appel. Un des insurgés manquait. Et qui ? Un des plus chers, un des plus vaillants, Jean Prouvaire. On le chercha parmi les blessés, il n'y était pas. On le chercha parmi les morts, il n'y était pas. Il était évidemment prisonnier. « Combeferre, dit à Enjolras, ils ont notre ami, mais nous avons leur agent. Tiens-tu à la mort de ce mouchard ?»« Oui, dit Enjolras, mais moins qu'à la vie de Jean Prouvaire. » Ceci se passait dans la salle basse, près du poteau de Javert. « Eh bien, reprit Combeferre, je vais attacher mon mouchoir à ma canne et aller en parlementaire leur offrir de leur donner leur homme pour le nôtre. »« Écoute, dit Enjolras en posant sa main sur le bras de Combeferre. Il y avait au bout de la rue un cliquetis d'armes significatif. On entendit une voix mâle crier « Vive la France ! Vive l'avenir !» On reconnut la voix de Prouvaire. Un éclair passa et une détonation éclata. Le silence se refit. « Ils l'ont tué !» s'écria Combeferre. Enjolras regarda Javert et lui dit « Tes amis viennent de te fusiller !» Chapitre 6. L'agonie de la mort après l'agonie de la vie. Une singularité de ce genre de guerre, c'est que l'attaque des barricades se fait presque toujours de front et qu'en général, les assaillants s'abstiennent de tourner les positions, soit qu'ils redoutent des embuscades, soit qu'ils craignent de s'engager dans des rues tortueuses. Toute l'attention des insurgés se portait donc du côté de la grande barricade, qui était évidemment le point toujours menacé et où devait recommencer infailliblement la lutte. Marius pourtant songea à la petite barricade et y alla. Elle était déserte et n'était gardée que par le lampion qui tremblait entre les pavés. Du reste, la ruelle Mondétour et les embranchements de la petite truanderie et du Cygne étaient profondément calmes. Comme Marius, l'inspection faite, se retirait. Il entendit son nom, prononcé faiblement dans l'obscurité. « Monsieur Marius !» Il tressaillit, car il reconnut la voix qu'il avait appelée, 2 heures auparavant à travers la grille de la rue Plumet. Seulement, cette voix maintenant semblait n'être plus qu'un souffle. Il regarda autour de lui et ne vit personne. Marius crut s'être trompé et que c'était une hallucination ajoutée par son esprit aux réalités extraordinaires qui se heurtaient autour de lui. Il fit un pas pour sortir de l'enfoncement reculé où était la barricade. « Monsieur Marius !» répéta la voix. Cette fois, il ne pouvait douter. Il avait distinctement entendu. Il regarda et ne vit rien. « À vos pieds !» dit la voix. Il se courba et vit dans l'ombre une forme qui se traînait vers lui. Cela rampait sur le pavé. C'était cela qui lui parlait. Le lampion permettait de distinguer une blouse, un pantalon de gros velours déchiré, des pieds nus, et quelque chose qui ressemblait à une mare de sang. Marius entrevit une tête pâle qui se dressait vers lui et qui lui dit « Vous ne me reconnaissez pas ?»« Non. » « Éponine !» Marius se baissa vivement. C'était en effet cette malheureuse enfant. Elle était habillée en homme. « Comment êtes-vous ici? Que faites-vous là ?»« Je meurs, » lui dit-elle. Il y a des mots et des incidents qui réveillent les êtres accablés. Marius s'écria comme en sursaut. « Vous êtes blessé? Attendez, je vais vous porter dans la salle. On va vous panser. » Est-ce grave? Comment faut-il vous prendre pour ne pas vous faire mal? Où souffrez-vous? Du secours, mon Dieu! Mais qu'êtes-vous venu faire ici? Et il essaya de passer son bras sous elle pour la soulever. En la soulevant, il rencontra sa main. Elle poussa un cri faible. « Vous ai-je fait mal ?» demanda Marius. « Un peu. Mais je n'ai touché que votre main. » Elle leva sa main vers le regard de Marius, et Marius, au milieu de cette main, vit un trou noir. « Qu'avez-vous donc à la main ? » dit-il. « Elle est percée. »« Percée ? » ?»« Oui. » « De quoi ? » ?»« D'une balle. » « Comment ? » ?»« Avez-vous vu un fusil qui vous couchait en joue ?» Oui, et une main qui l'a bouchée. C'était la mienne. Marius eut un frémissement. Quelle folie, pauvre enfant! Mais tant mieux, si c'est cela, ce n'est rien. Laissez-moi vous porter sur un lit. On va vous panser. On ne meurt pas d'une main percée. Elle murmura. La balle a traversé la main, mais elle est sortie par le dos. C'est inutile de m'ôter d'ici. « Je vais vous dire comment vous pouvez me panser, mieux qu'un chirurgien. Asseyez-vous près de moi sur cette pierre. » Il obéit. Elle posa sa tête sur les genoux de Marius, et sans le regarder, elle dit « Oh, que c'est bon, comme on est bien. Voilà, je ne souffre plus. » Elle demeura un moment en silence, puis elle tourna son visage avec effort et regarda Marius. « Savez-vous, monsieur Marius, cela me taquinait que vous entriez dans ce jardin. C'était bête, puisque c'était moi qui vous avais montré la maison. Et puis enfin, je devais bien me dire qu'un jeune homme comme vous... » Elle s'interrompit, et franchissant les sombres transitions qui étaient sans doute dans son esprit, elle reprit avec un déchirant sourire. « Vous me trouviez laide, n'est-ce pas ?» Elle continua. « Voyez-vous, vous êtes perdu. Maintenant, personne ne sortira de la barricade. C'est moi qui vous ai amené ici, tiens. Vous allez mourir, j'y compte bien. Et pourtant, quand j'ai vu qu'on vous visait, j'ai mis la main sur la bouche du canon de fusil. Comme c'est drôle. Mais c'est que je voulais mourir avant vous. Quand j'ai reçu cette balle, je me suis traîné ici. On ne m'a pas vu, on ne m'a pas ramassé. Je vous attendais. Je disais... Il ne viendra donc pas. Oh, si vous saviez, je mordais ma blouse, je souffrais tant. Maintenant, je suis bien. Vous rappelez-vous le jour où je suis entrée dans votre chambre et où je me suis mirée dans votre miroir? Et le jour où je vous ai rencontrée sur le boulevard, près des femmes en journée? Comme les oiseaux chantaient. Il n'y a pas bien longtemps. Vous m'avez donné 100 sous et je vous ai dit... « Je ne veux pas de votre argent. »« Avez-vous ramassé votre pièce au moins? Vous n'êtes pas riche. »« Je n'ai pas pensé à vous dire de la ramasser. »« Il faisait beau soleil, on n'avait pas froid. »« Vous souvenez-vous, monsieur Marius ?»« Oh, je suis heureuse. »« Tout le monde va mourir. » Elle avait un air insensé, grave et navrant. Sa blouse déchirée montrait sa gorge nue. Elle appuyait en parlant sa main percée sur sa poitrine, où il y avait un autre trou, et d'où il sortait par instants un flot de sang, comme le jet de vin d'une bonde ouverte. Marius considérait cette créature infortunée avec une profonde compassion. « Oh ! » reprit-elle tout à coup. « Cela revient, j'étouffe !» Elle prit sa blouse et la mordit, et ses jambes se raidissaient sur le pavé. En ce moment, la voix de jeune coq du petit Gavroche retentit dans la barricade. L'enfant était monté sur une table pour charger son fusil et chantait gaiement la chanson alors si populaire. En voyant la faillette, le gendarme répète « Sauvons-nous, sauvons-nous, sauvons-nous !» Éponine se souleva et écouta. Puis elle murmura « C'est lui !» Et se tournant vers Marius « Mon frère est là, il ne faut pas qu'il me voie, il me gronderait. »« Votre frère ?» demanda Marius, qui songeait dans le plus amer et le plus douloureux de son cœur au devoir que son père lui avait légué envers les Thénardier. Qui est votre frère ? Le petit. Celui qui chante ? Oui. Marius fit un mouvement. « Oh, ne vous en allez pas, » dit-elle. « Cela ne sera pas long à présent. » Elle était presque sur son séant, mais sa voix était très basse et coupée de hoquets. Par intervalles, le râle l'interrompait. Elle approchait le plus qu'elle pouvait son visage du visage de Marius. Elle ajouta avec une expression étrange. « Écoutez, je ne veux pas vous faire une farce. J'ai dans ma poche une lettre pour vous. Depuis hier, on m'avait dit de la mettre à la poste. Je l'ai gardée. Je ne voulais pas qu'elle vous parvînt. Mais vous m'en voudriez peut-être quand nous allons nous revoir tout à l'heure. On se revoit, n'est-ce pas ? Prenez votre lettre. » Elle saisit convulsivement la main de Marius avec sa main trouée, mais elle semblait ne plus percevoir la souffrance. Elle mit la main de Marius dans la poche de sa blouse. Marius y sentit en effet un papier. « Prenez !» dit-elle. Marius prit la lettre. Elle fit un signe de satisfaction et de consentement. « Maintenant, pour ma peine, promettez-moi !» Et elle s'arrêta. « Quoi ?» demanda Marius. « Promettez-moi !»« Je vous promets !»« Promettez-moi de me donner un baiser sur le front quand je serai morte. Je le sentirai. » Elle laissa retomber sa tête sur les genoux de Marius et ses paupières se fermèrent. Il crut cette pauvre âme partie. Éponine restait immobile. Tout à coup, à l'instant où Marius la croyait à jamais endormie, elle ouvrit lentement ses yeux où apparaissait la sombre profondeur de la mort et lui dit avec un accent dont la douceur semblait déjà venir d'un autre monde. Et puis... « Tenez, monsieur Marius, je crois que j'étais un peu amoureuse de vous. » Elle essaya encore de sourire et expira. Chapitre 7. Gavroche, profond calculateur des distances. Marius tint sa promesse. Il déposa un baiser sur ce front livide où perlait une sueur glacée. Ce n'était pas une infidélité à Cosette. C'était un adieu pensif et doux à une malheureuse âme. Il n'avait pas pris sans un tressaillement la lettre qu'Éponine lui avait donnée. Il avait tout de suite senti là un événement. Il était impatient de la lire. Le cœur de l'homme est ainsi fait. L'infortuné enfant avait à peine fermé les yeux que Marius songeait à déplier ce papier. Il la reposa doucement sur la terre et s'en alla. Quelque chose lui disait qu'il ne pouvait lire cette lettre devant ce cadavre. Il s'approcha d'une chandelle dans la salle basse. C'était un petit billet plié et cacheté avec ce soin élégant des femmes. L'adresse était d'une écriture de femme et portait « À monsieur, monsieur Marius Pontmercy, chez monsieur Courfeyrac, rue de la Verrerie, numéro 16. » Il défit le cachet et lut. « Mon bien-aimé, hélas, mon père veut que nous partions tout de suite. Nous serons ce soir rue de l'Homme armé, numéro 7. Dans 8 jours, nous serons à Londres. Cosette, 4 juin. » Telle était l'innocence de ses amours que Marius ne connaissait même pas l'écriture de Cosette. Ce qui s'était passé peut être dit en quelques mots. Éponine avait tout fait. Après la soirée du 3 juin, elle avait eu une double pensée, déjouer les projets de son père et des bandits sur la maison de la rue Plumet et séparer Marius de Cosette. Elle avait changé de guenille avec le premier jeune drôle venu qui avait trouvé amusant de s'habiller en femme, pendant qu'Éponine se déguisait en homme. C'était elle qui, au Champ de Mars, avait donné à Jean Valjean l'avertissement expressif « Déménager !» Jean Valjean était rentré en effet et avait dit à Cosette « Nous partons ce soir et nous allons rue de l'Homme armé avec Toussaint. La semaine prochaine, nous serons à Londres. » Cosette, atterrée de ce coup inattendu, avait écrit en hâte 2 lignes à Marius. « Mais comment faire mettre la lettre à la poste ? Elle ne sortait pas seule. Et Toussaint, surprise d'une telle commission, eut à coup sûr montré la lettre à M. Fauchelevent. Dans cette anxiété, Cosette avait aperçu à travers la grille Éponine en habit d'homme, qui rôdait maintenant sans cesse autour du jardin. Cosette avait appelé ce jeune ouvrier et lui avait remis 5 francs et la lettre en lui disant « Portez cette lettre tout de suite à son adresse !» Éponine avait mis la lettre dans sa poche. Le lendemain, 5 juin, elle était allée chez Courfeyrac demander Marius, non pour lui remettre la lettre, mais, chose que toute âme jalouse et aimante comprendra, pour voir. Là, elle avait attendu Marius, ou au moins Courfeyrac, toujours pour voir. Quand Courfeyrac lui avait dit « Nous allons aux barricades », une idée lui avait traversé l'esprit. Se jeter dans cette mort-là, comme elle se serait jetée dans toute autre, et y pousser Marius. Elle avait suivi Courfeyrac, s'était assurée de l'endroit où l'on construisait la barricade, et, bien sûr, puisque Marius n'avait reçu aucun avis et qu'elle avait intercepté la lettre, qu'il serait à la nuit tombante au rendez-vous de tous les soirs, elle était allée rue Plumet, et avait attendu Marius, et lui avait envoyé, au nom de ses amis, cet appel qui devait, pensait-elle, l'amener à la barricade. Elle comptait sur le désespoir de Marius quand il ne trouverait pas Cosette. Elle ne se trompait pas. Elle était retournée de son côté rue de la Chanvrerie. On vient de voir ce qu'elle y avait fait. Elle était morte avec cette joie tragique des cœurs jaloux qui entraînent l'être aimé dans leur mort et qui disent « Personne ne l'aura ». Marius couvrit de baisers la lettre de Cosette. Elle l'aimait donc. Il eut un instant l'idée qu'il ne devait plus mourir. Puis il se dit « Elle part. Son père l'emmène en Angleterre et mon grand-père se refuse au mariage. Rien n'est changé dans la fatalité. Les rêveurs comme Marius ont de ces accablements suprêmes et il en sort des partis pris désespérés. La fatigue de vivre est insupportable. La mort, c'est plutôt fait. » Alors, il songea qu'il lui restait 2 devoirs à accomplir. Informer Cosette de sa mort et lui envoyer un suprême adieu. Et sauver de la catastrophe imminente qui se préparait ce pauvre enfant, frère d'Éponine et fils de Thénardier. Il avait sur lui un portefeuille, le même qui avait contenu le cahier où il avait écrit tant de pensées d'amour pour Cosette. Il en arracha une feuille et écrivit au crayon ces quelques lignes. « Notre mariage était impossible. J'ai demandé à mon grand-père, il a refusé. Je suis sans fortune et toi aussi. J'ai couru chez toi, je ne t'ai plus trouvé. Tu sais, la parole que je t'avais donnée, je la tiens. Je meurs, je t'aime. Quand tu liras ceci, mon âme sera près de toi et te sourira. » N'ayant rien pour cacheter cette lettre, il se borna à plier le papier en 4 et y mit cette adresse. « À Mademoiselle Cosette Fauchelevent, chez Monsieur Fauchelevent, rue de l'Homme Armé, numéro 7. » La lettre pliée, il demeura un moment pensif, reprit son portefeuille, l'ouvrit et écrivit avec le même crayon sur la première page ces 4 lignes. « Je m'appelle Marius Pontmercy. Portez mon cadavre chez mon grand-père, Monsieur Gilles Normand, rue des Filles du Calvaire, numéro 6, au Marais. » Il remit le portefeuille dans la poche de son habit. Puis il appela Gavroche. Le gamin, à la voix de Marius, accourut avec sa mine joyeuse et dévouée. « Veux-tu faire quelque chose pour moi ?»« Tout !» dit Gavroche. « Dieu du bon Dieu, sans vous, vrai, j'étais cuit. » « Tu vois bien cette lettre ?» « Oui. Prends-la. Sors de la barricade sur le champ. » Gavroche, inquiet, commença à se gratter l'oreille. « Et demain matin, tu la remettras à son adresse, à Mademoiselle Cosette, chez Monsieur Fauchelevent, rue de l'Homme Armé, numéro 7. » L'héroïque enfant répondit. « Ah bien, mais pendant ce temps-là, on prendra la barricade et je n'y serai pas. » « La barricade ne sera plus attaquée qu'au point du jour, selon toute apparence. et ne sera pas prise avant demain midi. » Le nouveau répit que les assaillants laissaient à la barricade se prolongeait en effet. C'était une de ces intermittences fréquentes dans les combats nocturnes qui sont toujours suivies d'un redoublement d'acharnement. « Eh bien, fit Gavroche, si j'allais porter votre lettre demain matin ?»« Il sera trop tard. La barricade sera probablement bloquée, toutes les rues seront gardées et tu ne pourras sortir. Va, tout de suite !» Gavroche ne trouva rien à répliquer. Il restait là, indécis, et se grattant l'oreille tristement. Tout à coup, avec un de ces mouvements d'oiseau qu'il avait, il prit la lettre. « C'est bon !» dit-il. Et il partit en courant par la ruelle Mondétour. Gavroche avait eu une idée qu'il avait déterminée, mais qu'il n'avait pas dite, de peur que Marius n'y fît quelque objection. Cette idée, la voici. Il est à peine minuit. La rue de l'Homme-Armé n'est pas loin. Je vais porter la lettre tout de suite et je serai revenu à temps.